Bon matin tout le monde, Danny Veilleux et le bulletin de sport complet de l'édition du 20 août. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord avec cette transaction majeure qui est survenue au cours du week-end pour les Marquis de Jonquière. Les Marquis qui ont échangé deux de leurs piliers de leur histoire, Hugo Carpentier et Jonathan Paiement, qui ont été échangés à la nouvelle formation de Berlin. En retour, les Marquis ont acquis le défenseur Mathieu Brisebois ainsi que l'attaquant Jean-Sébastien Bérubé ainsi qu'un premier choix au repêchage de 2019. Carpentier et Paiement ont contribué grandement à la conquête de la Coupe Verdure en 2013, 2014 et 2016. Mathieu Brisebois est le joueur clé dans cette transaction pour les Marquis. Il a confirmé à Marc Boivin qu'il va se présenter au camp d'entraînement des Marquis. Le défenseur offensif a joué 50 matchs dans la Ligue américaine et au cours des dernières années, il évoluait en Europe. Les Saguenay de Chicoutimi ont disputé leur premier match au concours de la saison. C'était une défaite de 6 à 5 contre le Drakkar de Bécomo. Nicolas Raneau, un joueur qui évoluait dans le Junior 3 l'an dernier, a dirigé l'attaque de l'équipe avec une production de 2 buts, 2 passes. Il y a Tristan Pelletier qui a marqué 2 buts et ajouté une passe de même que Michael Pellerin. 3 passes pour Thomas Larouche et 2 pour Michael Farmer. À la Coupe Canada à Victoriaville sur le circuit canadien Pro Tour, le golfeur de Chibougamau, Pierre-Alexandre Bédard, n'a pu éviter la coupure du plus gros tournoi. Bédard a bien fait vendredi, il a ramené une carte de 69, mais ça a été insuffisant. Certainement que sa ronde de jeudi lui a grandement nui. Et un autre golfeur de Dolbeau-Missassini, cette fois, Lucas Dupéret, lui a joué de malchance. Il a terminé la ronde de vendredi avec un 75. Il avait quand même bien fait jeudi, mais la ronde de vendredi a été néfaste pour lui. En fin de semaine également, c'était les tournois le tournoi de fin de saison des différents clubs. On va commencer par celui de Chibougamau. Il y a une quarantaine de joueurs qui étaient présents pour ce championnat-là. Marc-Olivier Bougie, dans la classe 2A, a remporté la victoire avec un pointage de 138. Dans la classe A, c'est Nelson Imeshoum qui a joué 154. Classe 2B, Steve Larouche a ramené un pointage de 169. Classe B, Alain Poirier, 184. En classe 2C, Bernard Lavertu avec un 167. Et chez les dames, c'est René-Claude Gay qui a fait 185. Et du côté de la classe B, c'est Claire L'Espérance qui a joué 190. Une quarantaine de golfeurs étaient présents. Et dans le 2A maintenant, c'était cette fois à Saint-Prime. Dave Dumas a remporté la victoire dans cette classe avec un pointage de 158. Dans le A, Jean Castonguay a réussi un 157. Dans le 2B, Alain Simard avec un pointage de 162. Et dans la classe ouverte, un triomphe de Yannick Baillargeon. Chez les 2A maintenant, Nathalie Curtness avec un pointage de 149. Dans la A, c'est Hélène Lafrance plutôt qui a remporté la victoire. Dans la classe 2B, Claudette Jonfe a été la meilleure. Et à classe ouverte, Francine Tremblay avec une ronde de 176 a triomphé. Le sport local et régional, à dans radiosport.com, on s'en occupe.